Et maintenant, vous êtes allongé sur le dos et de sentir dans cette position, est-ce que tu as un sens d'avoir les deux jambes le même ou différent? Et c'est quoi la différence entre les deux jambes? Au sol, peut-être il y a un qui est plus tonique que les autres. Et aussi, peut-être il y a un jambe, un pied qui est plus proche de la ligne de milieu. Dans le sens que si on imagine une ligne qui démarre de haut en bas, qu'il y a un jambe qui est plus proche de cette ligne de milieu imaginaire. Et de porter votre attention vers le bassin. Et de noter aussi dans le bassin s'il y a une différence entre le côté gauche et le côté droite. Peut-être il y a un hanche qui est plus proche du sol, peut-être une sens de bascule du bassin dans une direction ou une autre. Et aussi de sentir le contact avec le dos, différentes parties, le bas du dos. Contact avec la tête. Et de laisser ça et de rouler sur le côté gauche, d'allonger sur le côté gauche. C'est un coussin pour la tête, voilà, si tu as envie. Et on va placer le genou droit un petit peu derrière le genou gauche au sol. Donc le genou droit reste au sol. Et on va allonger un petit peu le jambe droite jusqu'à ce qu'il est plus ou moins droite, et après de le replier. Ça reprend le mouvement par certains qui étaient ici la semaine dernière. On fait assez doucement. Et la prochaine fois que tu fais, de mettre plus d'attention sur la respiration et le confort de ce mouvement. Plus le mouvement même est secondaire, et c'est plutôt la respiration et le confort qui prend le devant. Okay. Et de prendre une pause. Une pause sur le côté. Maintenant, on va allonger la jambe droite, le pied droit va glisser vers le bas. Mais cette fois-ci, on va commencer de passer le pied droit en bas de le pied gauche et après devant le pied gauche. Comme tu as envie, fais une sorte d'arc avec le pied devant toi. Donc tu passes le pied en bas, après ça passe juste en bas de le pied gauche et après ça remonte un petit peu, les jambes pliées. Et après, tu redescends et tu refais le tour de pied et tu reviens sur le côté. OK. Et on va répéter ça quelques fois, mais fais une petite pause entre chaque répétition. Donc, chaque fois que tu finis, que tu reviennes sur le côté avec la jambe droite derrière la jambe gauche, tu prends au moins une mini pause. Et après, tu redémarres, tu glisses le pied au sol, il glisse devant l'autre pied. Et ce n'est pas très important si la jambe droite est complètement droite. L'idée que ça, c'est que ça passe en bas et après devant l'autre pied. Après, tu peux être plus ou moins droite avec les jambes, le bassin pour participer, les jambes pour plier, quand il a envie de plier. Et le plus possible, on glisse les pieds au sol pour avoir un mouvement le plus facile possible. OK. Et on prend une pause. Okay. Et on va, avec la main gauche, le bras gauche qui est devant toi, de mettre les mains gauches un peu sur une diagonale devant toi vers le bas. Plus ou moins la main est devant le genou gauche. Plus ou moins. C'est dans cette direction-là. Donc on place la main gauche plus ou moins devant le genou. Donc, c'est sur la diagonale en bas. Et on va reprendre ce mouvement qu'on vient de faire avec la jambe. On va glisser vers le bas et passe en bas de le pied gauche et après devant. Et après, on passe avec l'idée que le genou est peut-être, surtout au début, le genou allait vers la main gauche. Et après, peut-être les pieds. Et quand la jambe monte, il peut plier un peu. Ce n'est pas une jambe droite. Après qu'il passe le pied, il peut plier. Le genou peut plier. Après, ça repasse en bas. Et on explore cette idée que quand le pied droit remonte, c'est un peu vers la main et la main un peu vers le pied, au moins dans l'imagination. C'est une connexion entre les deux. Est-ce que le bassin est libre de bouger? Est-ce que tu roules un peu vers derrière ou devant pour faire ça plus facilement? Ok, et après on prend une autre pause. OK. Et on va poser la main droite derrière la tête. La main droite derrière la tête. Et avec le coude devant, c'est un peu comme l'avant-bras va rester sur l'oreille ou le côté de la tête, quoi. Donc la main est sur la tête. On prend la tête dans la main. Ouais. C'est un peu comme nous avons envie de prendre la tête avec la main, la paume de main. Plutôt derrière la tête. Et le coude est devant. C'est un peu comme nous avons envie de prendre la tête. On utilise ça parfois en Feldenkrais de rejoindre la tête et le bras, la cage thoracique. Et à partir de cette position, on va glisser la tête comme nous avons envie d'aller vers les genoux. Donc, la tête va glisser un petit peu et on va aller un peu vers le devant, vers les genoux, et après on revient. Donc, la tête, tout le dos va arrondi. Et c'est vrai que, dans quelque sens, on va lever un petit peu la tête de le coussin, peut-être, pour que ça puisse glisser. Donc, il y a une manière que... on soutient la tête avec les mains, mais on plie. C'est un mouvement de flexion devant. On allait vers les genoux. Le dos va arrondir. Et après, on revient vers la position de départ et on peut reposer la tête. On peut même glisser sur le coussin. Le coussin peut glisser avec nous. C'est un peu... comme vous voulez en termes de confort. Il peut être soit derrière, soit sur les autres genoux à peu près. On est sur le côté. C'est la position exacte des genoux, c'est moins important dans cette phase-là. C'est moins un roulement de la tête et plutôt le visage qui allait vers les genoux et après... plus loin des genoux. C'est moins un roulement de la tête, une rotation, mais plutôt une flexion et une extension. Okay. Et on va reprendre une pause. Et on va doucement, on va remettre la tête derrière, pardon, la main derrière la tête. Et on va glisser le pied droit vers le bas. Après, il va passer devant le pied gauche. Et quand il monte dans la direction de la tête, on va aussi amener le coude et la tête vers le genou qui monte. Vers le genou droit. Donc, ça fait une flexion un peu plus totale entre le haut et le bas. Donc, le genou vers le coude vers le genou, et la main, et c'est. Et on peut sentir les différentes parties du dos, les différentes parties de. Cage thoracique qui plie, qui participe, pour explorer la relation avec la respiration aussi. Si on a une préférence de expire ou inspire dans certaines phases de ce mouvement. Ok. Et on prend une petite pause sur le côté. va placer le genou droit derrière le genou gauche, ma position de départ. Et cette fois-ci, on va rester avec le pied droit au sol et on va juste lever le genou droit, et le bassin va rouler un peu vers derrière. Et c'est comme nous avons placé la plante du pied un peu plus au sol. Donc là, on lève le genou droit et le sol du pied il vient plutôt au sol. Et un peu laisse le torse rouler un petit peu pour accompagner, pour être confortable. La tête peut rouler s'il a besoin. Et après, on revient, on repose le genou. Et la main droite, il peut être, il n'y a pas besoin d'être derrière la tête, ou connecté à la tête. C'est pas interdit non plus, mais c'est pas nécessaire dans cette partie de l'expression. Ok, on va prendre une pause. Ok, et on va lever un petit peu le genou droit pour avoir la plante de pied droit au sol. Et avec la plante de pied plus ou moins au sol, on va glisser le pied droit vers le bas. Il va passer en bas de le pied gauche et après il va remonter devant nous comme on vient de faire. Vers dans la direction de la main gauche qui est là, mais on reste le plus possible avec la plante de pied au sol. Donc, c'est une autre orientation de jambes. Et peut-être il faut qu'on triche un petit peu, c'est pas grave. C'est pas très important que ça reste complètement plat. Mais c'est une contrainte qui va donner une autre sorte de trajectoire, surtout pour la hanche, pas pour tout. Mais d'être doux avec les contraintes. Donc c'est un truc en Feldenkrais, parfois on propose des choses qui ne sont pas forcément de manière qu'on va faire facilement au début. Donc on prend dans une manière qui est le plus facile pour nous et surtout qui reste confortable, qui ne force pas les choses. Et on adapte le mouvement à notre besoin. Et si tu as envie de continuer, tu peux ajouter le mouvement de prendre la tête avec les mains et quand le pied passe devant et ça monte vers la tête, c'est la tête qui descend vers le pied en même temps. Pour avoir cette flexion, mais aussi avec la hanche un peu plus ouverte vers le côté. Le torse peut rouler. Le bassin pour rouler. Ok. Ok. Et prendre une pause. Et vous pouvez même allonger sur le dos si vous préférez. fait. Et de allongez-vous sur le dos et de plier les deux jambes et avoir les plantes de pied au sol. Et de prendre avec le pied droit, on va poser le, plus ou moins la cheville droite sur le genou gauche, sur le haut des cuisses. On croise les jambes un petit peu dans quelques sens. Mais c'est vers là, ouais, exactement. Parfait. Et on va, avec la main droite, on va mettre la main droite derrière la tête. Et avec la main gauche, on va attraper la jambe gauche. Juste derrière le genou, si ça marche, oh, tu peux lever la jambe si tu en veux un petit peu. Ouais. Juste derrière, haut, devant, c'est comme tu préfères. Et on va, à partir de cette position, on va mettre le coude un peu de vers le devant et on va lève un petit peu la tête et de l'orienter vers les jambes et après de la reposer. Et après tu reposes la tête. Et la prochaine fois, on fait le même mouvement mais avec la tête, mais on a l'idée qu'en même temps, les genoux ou les jambes vont aller vers la tête en même temps. On peut aider même avec la main gauche un petit peu. On arrondit le dos. C'est pas un corps de gym dans le sens normal. On essaie aussi de sentir qu'est-ce qui passe, quelle partie de nous participe dans le mouvement. Quelle partie de le dos va articuler vers le sol? Est-ce qu'on est en train de respirer? Comment? Et on peut tester différentes orientations de cette flexion, un peu plus vers le avant le bas de jambe, au milieu de la bas de jambe droite, ou un petit peu plus vers la cheville. Ou un petit peu plus vers les genoux. Ok, on va laisser ça. Et on va allonger sur le dos, prendre une pause. Et allongez-vous sur le côté gauche. Pour qu'il y ait une transition un peu moins rude après, je vais allumer déjà la petite lumière là. Je peux. Et de glisser le pied droit vers le bas comme avant. Et on passe en bas de le pied gauche et après devant nous. et de sentir la participation de les différentes parties du torse dans ce mouvement. Quelle partie de la cage thoracique et le colonne vertébrale articule dans ce mouvement. On est toujours sur le côté gauche pour le CCU, le sport. Ok. Et de reposer. On va poser le genou droit derrière le genou gauche. Maintenant, on va aller dans un autre mouvement. On va glisser le pied droit vers derrière nous, un peu comme nous avons touché derrière la tête. C'est dans cette direction. Donc, on ne va pas essayer du tout de toucher la tête. C'est juste pour avoir cette idée qu'on va aller vers derrière. Et le genou aussi va glisser derrière. Donc, c'est toute la jambe qui glisse vers derrière. Et après, il revient. Donc, on commence avec le pied et le genou au sol. Ah. OK. Et on glisse le pied vers... Peut-être c'est plutôt dans la direction de le mur derrière toi. Un petit peu. Et après, ça revient. Donc, vous pouvez faire la pause ou continuer. Et dans ce genre de mouvement, c'est une extension dans le torse de quelque sens. Et c'est intéressant de noter si on a une tendance de focaliser cet mouvement plutôt dans le bas de dos, milieu. Est-ce qu'on peut articuler un peu plus, peut-être, plus de colonne vertébrale pour moins solliciter une partie? C'est une question à poser. Okay. Et de prendre une pause. Et pour beaucoup de monde, c'est un mouvement qui va être un peu plus... Il faut comprendre avec délicatesse. Et quand je donne une direction d'aller vers derrière, c'est pas, on n'a pas besoin d'aller très loin. OK. Et on va poser la... main droite derrière nous au sol, quelque part. Peut-être on va rouler un petit peu le torse vers le ciel pour être plus confortable. Et juste avec une idée d'imagination, plutôt d'essayer de vraiment de glisser vers là-bas, on va de nouveau, on va commencer de glisser le pied droit vers derrière avec une idée que ça va aller vers la main. Mais c'est pas qu'on va nous envie de toucher la main, mais c'est on fait une connexion consciente. Où est la main et quand je glisse le pied droit vers derrière avec toutes les jambes, il y a une connexion juste dans mon sens de les deux. Et de continuer cette expression d'aller un peu vers derrière avec le jambe, avec le pied. Et commencer d'activer aussi la main dans le mouvement. Ça veut dire qu'il va aller un peu dans la direction du pied ou peut-être il va plutôt juste ouvrir vers derrière. C'est pas un mouvement très spécifique dans le sens que je vais attraper le pied, mais on met les deux dans un mouvement total et on va explorer, on explore un peu ça. Est-ce qu'on peut avoir une idée que les deux allaient un peu ensemble? Et on peut permettre la tête de rouler, Et on va prendre une pause. Et on va placer la main droite derrière nous, ou si ce n'est pas confortable d'être derrière nous, on pose sur la hanche droite. C'est comme tu redondes le flanc droit. C'est une autre option si ce n'est pas confortable d'avoir le bras derrière. Et on va glisser, on va... Peut-être bon, on va faire un peu autrement. On va être sur le côté, on va mettre le bras pas derrière nous, on va mettre le bras juste sur notre flanc ou au sol. Et on va allonger sur le côté. Okay. On va commencer de glisser le pied droit derrière nous un tout petit peu, comme on vient de faire. Mais en même temps, on va regarder avec la tête au-dessus de notre tête par rapport avec notre corps. Ça veut dire que tu regardes le mur au-dessus de ta tête. C'est comme si tu étais debout, tu vas regarder au-dessus de la tête, vers le ciel. Mais comme tu es sur le côté, ça veut dire que tu vas regarder vers le mur là. Et ce n'est pas principalement un roulement de la tête. La tête va rester orientée, le visage va rester orienté vers le devant, en quelque sens, et vers le haut. Donc, on glisse le pied droit vers derrière et on regarde au-dessus de notre tête. En termes de image globale de la colonne vertébrale, ça amène une extension aussi dans les cervicales et les thorax. Donc c'est une extension globale de la cage thoracique. Et on inclut les yeux. Donc on regarde au-dessus de la tête. Je ne sais pas si c'est clair, ouais, cette idée de au-dessus de la tête. Ouais, par rapport avec nous. Ouais, super. Ok, on prend une pause. Et de nouveau, on va avoir la main gauche devant nous, sur la diagonale, vers le devant les genoux, plus ou moins. Et on va placer la main droite derrière nous, quelque part, ou sur le flanc. Et on va glisser le pied droit vers le bas, passer devant le pied gauche et remonte devant nous. Dans la direction de la main gauche. On peut regarder la tête, peut même aller un peu vers le genou, le nez un peu vers le genou, peut-être. Et après, on glisse le pied vers le bas, on passe derrière, et le pied, la jambe va aller derrière nous, dans la direction de la main qui est derrière nous. Et à ce moment-là, quand on lève derrière, la tête peut peut-être basculer pour regarder au-dessus de la tête ou peut-être rouler un petit peu. Ce n'est pas nécessaire qu'il y ait un de les deux, mais l'idée que la tête, le torse peut participer dans cette direction. Et aussi la direction devant. Quand on vient et on passe le pied devant nous, le nez va aller vers le pied, vers le genou. Donc ça vient d'être un mouvement de tout le corps. C'est très global comme mouvement. Et au niveau des études de mouvement, on peut explorer où on a plus de mouvement dans le torse et où on a moins. Et on peut jouer avec la différence entre les rotations qui est permis dans le mouvement et aussi la flexion et extension. Et en termes de guide pour la douceur, on peut revenir vers la respiration aussi. Et on va prendre une pause sur le côté. Bon, on va prendre une pause sur le dos plutôt. Ouais, on va allonger sur le dos. On peut finir avec ça. On peut prendre le temps maintenant de sentir les deux côtés de nous. Et on va allonger sur le côté droit. Doucement, on va poser la jambe gauche derrière la jambe droite au sol et on glisse la jambe gauche vers le bas, vers en bas et après on replie la jambe. Et déjà ce petit mouvement, ce mouvement, il va amener un mouvement dans le torse, dans la colonne vertébrale, même avant de faire toute la trajectoire de passer devant, juste ce mouvement de allonger les jambes et de le replier va commencer à engager le torse. Et après d'avoir commencé à sentir cet engagement, on passe le pied devant un petit peu. Et ça monte dans la direction de devant nous. Okay. Et de prendre une pause. Il y a une diversité de leçons dans la méthode. Il y a certaines leçons qui va utiliser beaucoup des activations de mouvements, les petits mouvements, pour désactiver les choses, dans quelque sens, pour aider le système de rendre compte de des tensions pas nécessaires pour les mouvements. Et il y a certaines leçons qui va demander que plus de nous participent dans le mouvement et plus orienté vers la globalité du mouvement et plus une activation. Et cette leçon, elle a un peu plus cet élément-là. Pour avoir cette idée, mais en même temps, on travaille avec une douceur qui nous permet aussi de fait dans une manière qui respecte nos limites et nos conforts. On va placer la main droite devant les genoux, donc au sol, la jambe, le bras droit est long au sol devant nous, devant les genoux. Et on reprend le mouvement de glisser le pied au sol, vers là-bas, devant nous, et après derrière. Et déjà, on avait déjà fait sur le autre côté, et c'est une opportunité aussi de déjà incorporer l'information de l'autre côté, et surtout de penser que la tête et le torse, il est libre de participer. Et on a le droit de rouler, de plier. Et parfois, on roule un moment, on plie un moment. Et il n'y a pas besoin de forcément de le diriger ça. Parfois, c'est juste de faire le mouvement avec les pieds et la tête on fait cette idée que le pied va aller vers la tête et la tête va aller vers le pied. Et ça va faire tout seul et tu suives et tu allais avec, tu testes les différentes options dans du mouvement qui est déjà parti. Et on peut aussi ajouter les possibilités que la plante de pied est plus au sol, moins au sol. Donc c'est un autre élément de possibilité que c'est le genou gauche est plutôt ouvert vers le ciel et la plante de pied un peu plus reste au sol. C'est un autre aspect de possibilité qui peut-être à un certain moment dans le mouvement quand on ouvre plus les jambes vers le, comme ça et les autres moments quand on revient un peu plus sur le côté des pieds. Okay. Ok, on va prendre une pause. Ok, et on va poser le genou gauche derrière le genou droit et de glisser le pied, jambe gauche vers derrière nous. Pas trop. Et une autre manière de voir ça, c'est ok, s'il y a quelque chose qui allait vers derrière, il y a quelque chose qui peut-être va aller vers le devant. Et est-ce que ça, c'est plutôt localisé vers le diaphragme, plutôt vers le nombril, plutôt vers la poitrine? Donc, on peut explorer cette idée que pour les jambes d'aller vers derrière, il y a une partie de le torse ou la colonne vertébrale va avancer. Ok, on va prendre une pause. Et on va poser la main gauche derrière nous. Et on va commencer de glisser le pied gauche vers derrière, dans la direction du main. Et on va explorer le potentiel engagement du bras pour aller vers le pied. Mais c'est principalement le mouvement du jambe. Le bras est secondaire. Mais ça fait partie de... Et Et la tête peut regarder au-dessus de la tête, ou elle peut regarder, peut rouler. Et c'est bien de différencier pour vous la différence entre le roulement de la tête et ce mouvement de regarder au-dessus de la tête, dans le sens d'extension de la cervicale et le thorax. Juste de différencier pour vous, c'est quoi la différence? Ok. Et de prendre une petite pause. De placer la main droite devant les genoux, la main gauche derrière toi, et de passer le pied gauche en bas, devant, après quand ça revient derrière, ça passe derrière, vers la main derrière, donc on fait les deux directions. De poser une question pendant le mouvement, si c'est possible de trouver un mouvement qui a une sorte de douceur et cohérence pour toi. C'est moins important sur l'amplitude du mouvement et plutôt sur la simultanéité de l'engagement de différentes parties de toi. Vraiment l'amplitude, il n'est pas du tout important. C'est un chemin qui est le plus doux pour toi et qui incorpore le plus possible le haut, le bas, jusqu'à la tête, pied jusqu'à la tête. Et on peut même explorer l'engagement des yeux. Donc, quand le pied passe devant toi, tu regardes vers le pied. Et quand le pied passe derrière toi, c'est comme tu as envie de regarder derrière toi. Peut-être la tête va essayer de rouler pour regarder le pied, ou peut-être il va basculer. Et de laisser ça et d'allonger sur le dos. de noter ton contact avec le sol. Okay, et de plier les genoux. Voir la plante des pieds au sol. Et d'interlacer les doigts et mettre les mains derrière la tête. Et avec les coudes orientés vers le devant, on va lève la tête dans la direction des genoux. Et on va lève les genoux. Après, on peut reposer la tête. Et après, on va aussi amener les genoux vers les coudes. Donc, les genoux vers les coudes vers les genoux. Et après, on repose. Donc, pour la prochaine partie, on va vraiment lève les jambes. Et si ça aide, on peut lève les jambes, laisse lever, ça c'est un peu on balance les jambes au-dessus de nous. Et après, quand on fait ce pliage, c'est doux, mais c'est les coudes vers les genoux vers les coudes, un petit peu. Et après, on le repose. OK. Ces mouvements que parfois on fait après d'avoir travaillé dans les positions d'extension, ça aide de désengager les extenseurs. Et on peut continuer de le faire si on sent qu'on avait un peu trop engagé le bas du dos, par exemple. C'est un mouvement qui peut aider avec ça. Mais aussi en soi, ça peut être une exploration assez intéressante et confortable. Et peut-être juste, j'ai envie pour proposer aussi pour d'ajouter quelque chose à ça. Donc, on va juste prendre la main droite derrière la tête et on va poser les pieds droits au sol. Et on va prendre le genou gauche avec la main gauche. Donc, la main droite est derrière la tête. La main gauche, prendre le genou devant le genou. Voilà. Et en même temps qu'on va lève un petit peu la tête avec l'aide de le coude, on va amener en même temps le genou un petit peu vers la tête. Et le pied droite peut être là pour aider aussi de basculer le bassin un petit peu. Le pied droit peut aussi aider pour doucement orienter le bas du dos vers le sol. Et le mouvement aussi de le bassin. C'est une autre manière de penser ça, de cette flexion. Okay, et de laisser ça, de faire un petit pause. Et de prendre le mouvement symétrique, ça veut dire qu'on prend la tête avec la main gauche. Et on prend le genou droit avec la main droite. Et doucement, on lève la tête vers le genou vers la tête. Et on peut explorer la différence si on fait plus d'une fois, un petit peu vers l'oreille, un petit peu vers le nez. Et chaque trajectoire d'orientation va éveiller différentes parties de nous. Et souvent, dans la méthode, on utilise ces petites variations pour donner plus de richesse à nos expressions. Et laisse tout ça. et d'allonger les jambes, allonger les pieds. De rouler sur le côté et se mettre debout. Et quand tu arrives debout, de mettre sur le plancher, pas sur le matelas. Et de, quand tu arrives debout, de prendre le temps de sentir le, comment tu es sur les deux pieds. Et si tu es un peu plus aligné sur un pied ou l'autre. Aussi de manière que le bassin est posé sur les pieds. Et aussi le thorax, la tête. Et de, on avait cette question au début, si on est aligné plutôt sur un pied ou l'autre. Plus tu regardes ça maintenant. Et de commencer aussi de déplacer ton poids un peu plus sur un pied et après l'autre. Et de, après d'avoir fait un peu les deux pieds, de même de lâcher les bras à côté de vous, d'avoir les bras disponibles en tout cas, pas forcément lâchés. Et de aller jusqu'à avoir le poids sur que un pied, tu vois, mais peut-être quand tu sens prête, un peu de tester, peut-être début, tu peux juste avoir juste un tout petit toucher avec l'autre pied, mais comment tu es sur un pied, l'équilibre sur un pied, peut-être ouvrir les yeux, peut-être commencer à être un peu plus engagé, c'est pas forcément un mouvement de relaxation, un mouvement d'équilibre. Et aussi sur les autres pieds. Et de même, vraiment commencer de lève complètement un pied. Et après, de le poser, lève l'autre. Et après, de commencer de marcher avec ça. De marcher comme tu en vis, plus ou moins vite. Avec cette idée que qu'on marche, on est sur un pied et après on est sur l'autre. Et quand on est sur un pied, il me manque avant de passer sur l'autre, que le jambe, le pied passe devant nous. Et il allait un peu dans la direction vers le haut, il monte. Et de continuer d'explorer ce mouvement, à ce moment dans la marche, qu'on commence de lever le pied devant nous et on lève un peu plus peut-être que normal. Et c'est une sorte de prolongation de le moment que tu es sur un pied. Donc tu peux avoir une marche, tu peux explorer aussi une marche qui marche sans pause. Et après, tu peux explorer le moment de tu suspends un peu plus sur un pied. Et le moment que tu suspends ou tu explores cette idée d'avoir un pied ou une jambe qui passe devant, explorez aussi un petit peu la manière que la tête, le torse peut aussi participer dans ça. Dans le dessin qu'on vient d'explorer, il y a un mouvement, cet mouvement de flexion et extension qui est aussi dans le torse, qui est lié avec la marche. Et aussi, un mouvement dans une marche un peu plus vite, il y a une contralatéralité avec les bras qui fait naturellement. Il n'y a pas besoin de penser, juste pour savoir. Il était dans la leçon au sol, la relation entre les pieds et les mains. Et on peut jouer ça aussi. C'est un truc qu'on peut jouer aussi. Tu vois, il y a dans le... la musique derrière, quoi, qui danse. Et aussi, tu vois, il y a aussi ce genre de mouvement, les gens qui font des choses comme ça, dans le danse africain. Il n'est pas très loin du mouvement que tu es en train de faire au sol, qui est lié avec la marche. Et si on aussi nous a envie de projeter une jambe derrière, et, cette extension qui fait avec la tube de torse. Okay. Après, fais comme tu veux avec ça, tu peux marcher, arrêter. C'est aussi le moment pour moi de savoir si vous avez une question ou une chose que vous voulez avoir une explanation plutôt cognitive ou des questions plutôt sensorielles ou un retour sensoriel si vous avez des sensations maintenant que tu as envie de partager avec les autres avec moi une question. Je me demandais, on a pas passé le même temps sur l'un et l'autre des côtés. Du coup, j'ai l'impression que moi, à chaque fois, l'expérience que je fais, c'est que j'ai l'impression d'avoir tout mon schéma corporel qui est complètement. Qui est un peu bouleversé. Et là, notamment, ça fait deux fois quand même que j'ai l'impression d'avoir une jambe gauche rallongée. La dernière fois, j'avais l'impression qu'elle traînait comme si j'avais pas réintégré en fait que j'avais pas intégré que la jambe gauche avait rallongé. C'est juste que pas le corps se positionne différemment et du coup, je me demandais en fait si c'est intentionnel en fait le temps passé. De chaque côté et est-ce qu'on cherche à je sais pas histoire de décaler le corps en fait par rapport à une espèce de symétrie il y a certaines leçons qui travaillent vraiment avec avec l'idée de créer un sens de différence très fort qui perturbe, c'est sûr. Après, un autre élément dans la leçon qu'on avait fait, c'était aussi lié avec l'idée que le système nerveux, en fait, il va essayer de transférer les informations qu'on apprend en présence sur un côté, sur l'autre côté. Il va essayer de faire pendant, pas juste pendant une séance, mais dans les gens qui viennent aussi. Il va essayer de comprendre, d'intégrer crée cette population. Ça, c'est un des principes. Aussi, parfois, c'est parce que ça dépend de l'expérience de chacun, mais parfois, concrètement, c'est déjà activé en relation avec les un genre, une choice. Cette activation, ou cet éveil, va transformer tout de suite par certains. On allait sur l'autre côté, et en fait, tout de suite, en fait, ah oui, quand je bouge les jambes, déjà, je sens quelque chose, on va dire, un petit peu, oui, par exemple. Et donc, l'idée que c'est un des principes, c'est qu'on peut être beaucoup plus efficace avec notre tronc, de détailler sur un côté, et après, on laisse les autres côtés intégrer les informations comme ça. Parfois, on passe plus de temps le temps égal sur les côtés. Parfois, on ajoute des variations sur le deuxième côté pour les frapper sur le premier côté. Il y a différentes possibilités. Et aussi, c'est petit à petit, c'est d'évaluer comment toi tu vas prendre. Et une préférence souvent de travailler avec le côté qui fonctionne mieux pour nous. Et après, de passer à le côté qui est plus difficile pour nous, pour travailler en individuel et nous-mêmes, quoi. Mais pour certains, le travail en contrat, comme c'est déjà intégré bien la méthode de douceur, surtout, peut-être c'est plus efficace de travailler plus longtemps sur le côté qui est plus difficile. Si tu es vraiment le truc de douceur, intégré, qui n'est pas forcé. Donc, c'est, et ça, c'est bien sûr un truc qu'il faut qu'on apprend nous-mêmes en faisant. Plusieurs leçons et comment on engage avec la méthode. Donc, ce qui n'est pas. Même dans une leçon, on peut refaire les leçons dans différentes proportions de temps. Et c'est une option. Hein. Semaine prochaine, et avec quoi de semaine aussi. Plus avec les musiques. Et la danse. l'a fait dans cette salle ici. Oui, c'est la même.